I can't hear you, Jim. I can hear you. Test. Whoa. Hello.

colors that make me feel good. Just put it right back. Sympa. Thank you. people. He's back in Japan now. I don't want to interrupt you. I just want to fuck you, baby. In my dreams, yeah. No. Thank you. Salut, c'est moi sympa et je voulais juste te dire que j'apprécie bien ce qui est en train de se passer et je sais pas exactement. Oh putain, je sais pas exactement ce qui se passe, mais j'aimerais vouloir dire que voilà, il se pense, voilà. Ok. Ok, let's see. Ah. Let's go. Dinosaure. Dinosaure. Non, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. Je suis pas sûr de comprendre exactement. Donc voilà, et on va dire que c'est un épisode de radio sympa, donc je vais mettre un jingle. Alors, le jingle, ah voilà, le jingle. Ok, c'est parti pour le jingle. On va écouter un jingle. J'aime bien ça, je trouve que c'est une bonne idée. Hein ? Ouais, c'est une bonne idée. Radio Sympa. Bonne soirée sur Radio Sympa. Voilà, bonne soirée. C'est la radio. C'est Radio Sympa. C'est un épisode hors saison. It's time to say goodbye. I want to realize. I know your heart again. You want us out again. You want us out again. You want to be alright. You know I can't decline. Well, you know I know you lie. You want to be with me. I want to be with you. But you don't realize. Well, let's be together. Yes, it would be a good idea. Oh, let's be together forever. Let's be again. We like to see each other in front of you. Swimming totem. I know you can't decline. I know. Why the fuck? Oh, Na, je to zamiast jakieś uszy za mnie. Tylko mnie to za mnie. Huh? Non, non, belle idée. Là, il y a ton zoom à ce qu'on a avec au short song game. Au short song game. Il y a ton zoom à ce qu'on a avec au short song game. C'est quand même ton zoom. Ok. Là. Ok. Là. Ok. Là. Bye. Inca sir? You want to copy the strange level.